Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'Histoire, une édition spéciale d'une heure pour souligner notre 1000e émission. Monsieur Chrétien a dit hier qu'il était content parce que, pense-t-il, Daniel Johnson a écrasé le gouvernement Parizeau. Écrasé, a-t-il dit. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer des paroles de M. Chrétien. C'est toujours très profond, ce qu'il dit. Si tu ne connais pas la force de l'idée souverainiste et la grande fierté qui l'anime, il devrait savoir qu'à 3 semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Lucien Bouchard, lors de la campagne référendaire sur la souveraineté du Québec d'octobre 1995, c'est le 14 septembre 2015 que commence officiellement l'Histoire d'aujourd'hui l'Histoire. Et dès notre toute première émission, les archives sonores occupent une place centrale dans la manière dont on a choisi, il y a bientôt 6 ans, de vous parler d'Histoire. L'extrait que vous entendez en témoigne parfaitement d'ailleurs. Le 14 septembre 2015, donc, le tout premier invité d'aujourd'hui l'Histoire est l'historien Éric Bédard, qui nous fait justement revivre cette campagne référendaire d'octobre 95. 1000 émissions plus tard, je vous propose de le retrouver, de même que quelques autres de nos collaborateurs réguliers au cours de cette émission spéciale d'une heure. Éric Bédard va nous parler de la place qu'occupe aujourd'hui l'Histoire dans les médias et dans l'espace public. Avec Mylène Desautels, nous parlerons de la manière dont a évolué l'enseignement de l'Histoire depuis quelques années. Et puis 3 autres de nos collaborateurs réguliers, Karine Prémont, Carl Bouchard et Xavier Gélina, vont nous présenter un épisode précis de l'Histoire en lien avec le chiffre 1000. C'est un petit exercice de style qu'on leur a proposé, auquel ils ont accepté de se livrer. Bref, c'est une grande partie de la famille d'aujourd'hui l'Histoire que vous retrouverez aujourd'hui. Famille à laquelle, bien sûr, vous appartenez, chers auditeurs, et vous l'entendrez d'ailleurs au cours de l'heure qui vient. C'est donc avec beaucoup de bonheur, un brin d'émotion aussi, que je vous présente cette 1000e émission d'aujourd'hui l'Histoire, avec une pensée particulière pour tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés à cette antenne sur les chemins de l'Histoire. L'Histoire aujourd'hui. Des personnages, des événements, des idées. L'Histoire au quotidien. Aujourd'hui, Richard Salès s'entretient avec Fabrizio Calvi, qui nous parle de la mafia. Au fil du temps. Le magazine radiophonique exclusivement consacré à l'histoire. À rebours. Chaque jour, une capsule d'histoire avec André Martineau. Une aventure passionnée cette semaine, toute la semaine, en compagnie d'Henri Barras. Ce sera l'aventure de Vincent Van Gogh. Ici Jean-François Nadeau. Vous écoutez C'est une autre histoire. Bonjour, ici Mario Proulx. J'accueille aujourd'hui Marie-Claude Després-Masson, que vous connaissez déjà puisqu'elle était avec nous la semaine dernière pour nous parler de l'histoire des bonnes manières à table. Bonjour et re-bienvenue, Madame Després-Masson. Merci, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur Champagne. Bonjour, Joël Lévigo. Dites bonjour, mesdames, messieurs aussi. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames, messieurs. Eh bien, nous allons parler des tribuns, de grands tribuns. Ouais. Des terribles. Que j'ai choisi. Oui, oui, mais Hitler et Churchill, vous auriez pu éviter Hitler. Mais en tout cas. L'histoire a son envers. L'histoire a ses revers. Il y aura toujours une autre façon de voir. Un premier petit clin d'œil, il y en aura plein d'autres au cours de l'émission, pour saluer tous ceux et toutes celles qui, avant nous, ont parlé d'histoire à notre antenne. Ce petit clin d'œil-là, j'y tenais, c'était pour moi, ça allait de soi, puisque c'est l'un des grands plaisirs d'animer et de préparer cette émission que de, justement, de vous présenter avec différentes archives le travail de ceux et celles qui font cette radio depuis ses tout débuts, en vous parlant d'histoire ou de toute autre chose. Et avec ce qu'on vient d'entendre, on réalise aussi à quel point l'histoire a toujours, ou du moins souvent, occupé une place à notre antenne. Ça nous a donné l'idée de commencer cette émission en se demandant justement où en sont aujourd'hui les médias avec l'histoire, quelle place occupe aujourd'hui l'histoire dans les médias et dans l'espace public. Et pour nous en parler, j'accueille l'un des historiens les plus présents dans les médias québécois actuellement, l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard, qui a aussi donc été, je vous le rappelle, le tout premier invité d'Aujourd'hui l'Histoire, le 14 septembre 2015. Éric Bédard, bonjour. Bonjour Jacques, et oui, en effet, vous me rappelez de très bons souvenirs, et quel honneur ça a été pour moi d'être votre premier invité. C'était une évidence pour moi de vous réinviter pour ouvrir cette émission. Puis je le disais, vous êtes un des historiens qui est très présent sur la scène médiatique québécoise. Donc je me disais, c'est parfait. Éric est l'invité parfait pour essayer de voir où en est, où en sont les médias, quelle place occupe l'histoire aujourd'hui dans les médias, dans l'espace public. Puis je vous pose directement la question. Comment ça se compare, par exemple, la place de l'histoire aujourd'hui dans les médias et dans l'espace public à ce qui existait, je ne sais pas moi, il y a 10, 20 ou 30 ans, Éric? Ben, écoutez, moi je trouve qu'elle se porte très bien, l'histoire, dans l'espace public. Il me semble que j'ai rarement vu autant d'historiens prendre le risque des médias. Et je parle d'historiens universitaires. Quand je faisais mon doctorat, les historiens universitaires avaient beaucoup de réticence à aller dans les médias pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de bons espaces pour eux. Mais depuis quelques années, je vois toute une nouvelle génération qui prend sa place, qui intervient, qui comprend que parler dans un séminaire ou dans une salle de classe, c'est pas la même chose que parler au grand public, et qui prend le risque. Et je trouve que vraiment, on a vraiment de très belles nouvelles générations là, qui intervient. Ouais. Et puis, il y a ces historiens qu'on entend ou qu'on voit dans les médias, mais il y a tout le reste. Il y a bon, les publications, les livres qui parlent d'histoire, mais restons dans les médias. Il y a les téléséries, les émissions, les balados, c'est nouveau, mais il y a beaucoup de balados qui s'intéressent à l'histoire. Au total, ça fait qu'on parle plus d'histoire que jamais, Éric? J'ai vraiment l'impression que oui, on parle plus d'histoire. Et ce que j'apprécie notamment avec Aujourd'hui l'Histoire, et c'est ce qu'on me rapporte beaucoup, c'est que peut-être à cause du format podcast, on donne plus de temps à une parole de se développer, à une pensée de se développer. Et je crois que ça, c'est tout à fait bénéfique. Mais oui, moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. On est aussi dans une époque où l'histoire est sujet à débat, parfois à polémique. Et je pense qu'on s'attend à ce que les historiens donnent un avis éclairé, pas nécessairement pour agir comme des arbitres, mais au moins de donner un éclairage, et donc dans un contexte chargé lorsqu'il s'agit d'histoire, je pense que là, en effet, la place est de plus en plus grande. Oui, donc une espèce d'utilité aussi. L'historien utile fait partie de l'équation. Qu'est-ce qui intéresse les gens quand on parle d'histoire? Et est-ce que ça a changé les sujets, notre manière de nous intéresser à l'histoire? Est-ce que ça a changé au fil du temps? Ce qui intéresse, je crois, les gens, c'est souvent, évidemment, ce qui est lié aux grands enjeux du présent. Hein. On veut comprendre d'où ça vient, comment expliquer que tel phénomène plutôt que tel autre. On veut comprendre les institutions, il y a une dimension politique. Ce qui a évolué aussi avec le temps, c'est l'histoire des mentalités, l'histoire des représentations, l'histoire culturelle. Et donc, alors que peut-être autrefois, il n'y en avait que pour une histoire politique et nationale, disons très traditionnelle, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt très éclaté. Il y a des intérêts qui vont un peu dans toutes les directions. Et je trouve que, justement, comme on a des historiens qui s'intéressent à différentes facettes, différents champs du savoir, eh bien, visiblement, le public, il trouve son compte. Donc, une histoire plus sectorielle, histoire du mouvement ouvrier, histoire des femmes, histoire des Noirs, etc. Un mot en terminant sur les journaux, les grands médias généralistes aussi, à la télé ou à la radio. Qu'est-ce qui intéresse ces grands médias quand ils parlent d'histoire? Les médias généralistes appellent les historiens souvent lorsqu'il y a un enjeu lié à l'actualité. Et là, ça nous rend parfois un peu inconfortable puisqu'il faut réagir à chaud sur un sujet pointu, et des fois, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est bien, c'est d'avoir des émissions comme Aujourd'hui l'Histoire, où on peut prendre un pas de recul, on peut explorer des questions parfois un peu pointues, avoir un peu de temps. Mais c'est sûr que lorsqu'on est uniquement sollicité par une actualité, la polémique du jour, des fois, les historiens sont mal à l'aise de réagir dans un contexte comme celui-là. Mais une émission qui permet de creuser, d'explorer un enjeu avec un peu plus de profondeur. Ça, je pense que là, non seulement il y a de l'intérêt de la part des historiens, mais je pense qu'il y a de l'intérêt de la part du public aussi. Oui. Sortir de de l'actualité, sortir probablement aussi, parce qu'il y a eu une petite vague depuis quelques années, des commémorations, des anniversaires, pas faire que ça. Éric Bédard, c'était rapide, mais sympathique comme clin d'œil. Ça s'imposait, je pense, compte tenu du fait que nous ne sommes pas les premiers à cette antenne à parler d'histoire, de voir un peu comment tout ça avait évolué, la place, la présence de l'histoire dans les médias au fil du temps. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à la TELUC, ami de la première heure de l'émission. Merci beaucoup, Éric Bédard. Merci à vous et bravo pour votre succès. Merci, Éric. Bienvenue dans la boîte vocale d'Aujourd'hui l'Histoire et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Attention, c'est à vous. Bonjour, c'est Linda de Terrasse-Vaudreuil. Je voulais vous dire bravo pour votre 1000e épisode. Et je peux vous dire que j'ai appris plus dans votre émission que j'ai appris dans tous mes cours d'histoire au secondaire. Bonjour, Yann Guénette, 45 ans. Je suis de la rive nord de Montréal. Je vous écoute surtout parce que je travaille de nuit. Je suis agent de sûreté. Et puis, quand je fais ma ronde, je vous écoute. J'écoute toutes les émissions. Bonjour, mon nom est Véronique. Je viens d'un petit village qui s'appelle Péribonka au lac Saint-Jean. J'apprécie beaucoup, beaucoup le travail qui se trouve derrière Aujourd'hui l'Histoire et j'adore la voix de M. Beauchamp aussi. Bonjour, je m'appelle Christophe Plantivaud et je vous appelle de Toronto. Et étant nouveau Canadien, francophone, je puis vous dire que votre émission a été pour moi ma source de construction de citoyen canadien. Bonjour, donc je m'appelle Lina et puis j'ai découvert l'émission Aujourd'hui de l'Histoire quand j'étais en secondaire 4, je suis présentement au Cégep. Et depuis, j'ai eu un coup de cœur, en fait, en l'écoutant. Oui, bonjour, mon nom est Sébastien Bolduc. Moi, je l'écoute en podcast. J'aime beaucoup la variété des sujets traités dans Aujourd'hui l'Histoire, que ce soit l'histoire américaine, l'histoire européenne, l'histoire canadienne. Récemment, le laboratoire secret, le centre de recherche nucléaire m'ont beaucoup surpris. Le féministe tranquille de Françoise Godet-Smith, que je ne connaissais pas sous cet angle. Lacquineau, Duplessis, Pierre Bourgault, René Lévesque, Christophe Frigon, très intéressant. Sur le plan international aussi, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur Yasser Arafat, Anna Arendt. La tombe de Toutankhamon, Ayrton Senna sur le plan sportif. Les guerres de l'opium. Ça, j'ai adoré ça. J'ai aussi adoré beaucoup l'émission le frère sur le frère un tel. Je me souviens particulièrement d'un épisode. C'est un épisode qui traitait sur l'Atlantide dans le mythe de Platon. Bonjour, je m'appelle Sabrina Melançon. Je vous appelle de l'Affaire en Abitibi-Témiscamingue. Je suis une auditrice d'Aujourd'hui l'Histoire depuis quelques années déjà. J'apprécie particulièrement réécouter les épisodes qui concernent les endroits où je me déplace en voyage. Je me souviens d'avoir écouté le siège de Sarajevo dans l'avion Zagreb-Sarajevo il y a quelques années. Aussi, j'ai une tradition familiale de voyage de cousins. Donc, nous sommes 5 cousins de la fin vingtaine, début trentaine, tous auditeurs de l'émission. Et je me souviens d'avoir écouté les épisodes du siège de Waco, de l'assassinat de John F. Kennedy, avec notre préférée Karine Prémont, alors que nous étions sur la route de Austin à Dallas, au Texas. Voilà, merci, bonne journée. And I am speaking of a new engagement in the lives of others, a new activism, hands-on and involved, that gets the job done. I've spoken of 1,000 points of light. Je parle d'un nouvel engagement dans la vie des autres, d'un nouveau militantisme appliqué de manière pratique. J'ai fait allusion à 1,000 points de lumière pour décrire toutes ces organisations communautaires qui se répandent comme des étoiles dans tout le pays et qui font du bien. Of all the community organizations that are spread like stars throughout the nation doing good, we will work hand in hand, encouraging, sometimes leading. Nous travaillerons main dans la main, en encourageant, parfois en dirigeant, et parfois aussi en étant dirigé. Je demanderai aux membres de mon gouvernement ainsi qu'aux travailleurs de la Maison-Blanche et des agences gouvernementales de s'impliquer auprès des points de lumière les plus brillants. Les vieilles idées sont intemporelles. Le devoir, le sacrifice, l'engagement et un patriotisme qui s'exprime dans la participation citoyenne. And a patriotism that finds its expression in taking part and pitching in. Dès son discours d'investiture du 20 janvier 1989, George Bush père utilise cette expression que vous venez d'entendre, des 1000 points de lumière, une expression qu'on va très vite associer d'ailleurs à son passage à la Maison-Blanche et à son héritage comme président américain. Pour nous raconter cette histoire-là, l'histoire derrière cette expression devenue emblématique de la présidence de George Bush père, pour nous aider à comprendre également ce qu'incarne cette expression dans son parcours politique, je reçois Karine Prémont, collaboratrice régulière de l'émission, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine, je le signale, à l'occasion de cette millième, qui est aussi l'autrice du livre « Les grandes affaires politiques américaines », l'un des deux premiers ouvrages publiés dans la collection « Aujourd'hui l'histoire » chez Septentrion. Car oui, « Aujourd'hui l'histoire », c'est aussi devenu ça au fil du temps, une collection chez Septentrion. Je vous annonce d'ailleurs que d'autres volumes s'en viennent, d'autres livres s'en viennent d'ici très peu de temps, dans les semaines, dans les mois qui viennent, entre autres, un livre de Jean-Charles Panton sur la politique québécoise des années 60 aux années 80. Karine Prémont, bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'abord Karine d'être avec nous, d'avoir accepté de vous prêter à ce petit jeu-là, de ce petit exercice de style au fond qu'on vous a proposé qui consiste à venir nous raconter un épisode précis de l'histoire en lien avec le chiffre 1000 à l'occasion de notre 1000e émission. C'était une évidence de vous inviter aujourd'hui. Savez-vous, Karine Prémont, vous êtes de tous les collaborateurs et de toutes les collaboratrices d'Aujourd'hui l'Histoire, celle qui compte le plus d'émissions à son compteur. Justement, avez-vous une petite idée d'où vous êtes rendue? Ah, je sais que c'est plusieurs dizaines, assurément, mais je ne connais pas le chiffre exact. Si j'ai bien compté, j'espère que vous êtes assise, j'en étais moi-même étonnée, c'est votre 58e présence à l'émission aujourd'hui. Ah, ça passe vite quand on s'amuse. Puis en plus, vous êtes la préférée de Mme Melançon de la Sarre. Oui! C'est formidable. Oui. Donc, merci. Vraiment. Merci de faire partie de cette famille, de cette grande famille d'Aujourd'hui l'Histoire. Revenons à George Bush père, à cette fameuse expression des 1000 points de lumière, Karine. Ça commence quand, cette histoire-là? Quand et dans quel contexte apparaît cette expression-là dans le discours de George Bush? George Bush m'en parlait la première fois lors de son discours à la Nouvelle-Orléans en mois d'août 1988. C'est le discours dans lequel il accepte la nomination du Parti républicain pour l'élection présidentielle qui va avoir lieu quelques mois plus tard. C'est vraiment là qu'il en parle en premier. Et il présente vraiment cette idée des points de lumière par le biais du service public, du service communautaire. C'est l'idée selon laquelle les problèmes les plus importants de la société, que ce soit la pauvreté, l'itinérance, la faim, par exemple, peuvent et doivent être pris en charge par les individus via le bénévolat, via le service communautaire. Et c'est à ce moment qu'il va parler que des bénévoles dont chacun représente un point de lumière. Et ensemble, quand on regroupe tous ces gens-là, ça fait un millier de points de lumière. Et il s'engage à faire fructifier ces points de lumière-là tout au long de sa présidence. Et cette expression, il va la reprendre, entre autres, puis on vient de l'entendre, à son discours d'investiture du 20 janvier 89, mm-hmm. parce que c'est pour lui, c'est plus qu'un slogan. C'est une vision qu'il a de la politique, de la société américaine. Qu'est-ce que ça nous révèle, cette expression-là, sur sa pensée politique, justement? Bien, évidemment, Bush, comme son père avant lui, comme ses enfants après lui, a dédié sa vie au service public. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que c'est fondamental pour lui de s'impliquer dans sa communauté et de le faire en toute ouverture, en toute franchise, en toute sincérité. Et on a là des valeurs qui sont purement américaines. C'est-à-dire que le bien en général, le bien commun en particulier, passe par l'effort individuel d'abord et avant tout. On l'a entendu dans l'extrait, il parle de patriotisme, évidemment. Donc, on est vraiment dans cette idée de dédier sa vie au service public pour améliorer le sort des gens. Et si tout le monde le fait, bien le gouvernement, l'État peut ensuite suivre, emboîter le pas et participer à cet effort-là. Et c'est c'est le grand libéralisme politique, ce oui. modèle-là, c'est-à-dire la force individuelle, la force de chacun contribue au bien-être de l'ensemble. C'est ça la proposition au départ du oui. libéralisme. Quelle forme ça va prendre, cela dit, très concrètement, ces 1000 points de lumière, ce slogan, cette expression, dans son mandat, dans les années où il sera au pouvoir? En fait, ça va prendre deux formes. D'abord, d'un point de vue de son engagement personnel, dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 90, Bush va souligner à chaque jour le travail d'un bénévole, d'un point de lumière, et va le faire 6 jours par semaine. Donc, il y aura une récompense particulière pour les bénévoles. Et au total, il va souligner l'implication de plus de 1000 bénévoles durant sa présidence. Le deuxième élément, c'est la création en 90 aussi de la fondation Points of Light, donc Points de Lumière, qui est une institution, une fondation privée, non partisane, à but non lucratif. Ils vont encourager la fondation de cette organisation-là qui vise à faire la promotion du bénévolat à travers les États-Unis, notamment, par exemple, en encourageant les entreprises qui mettent en œuvre des programmes pour inciter leurs employés à faire du bénévolat. Et ça, ensuite, ce seront des éléments qui seront repris par tous les présidents depuis Bush, sauf Trump, qui vont continuer à mettre de l'avant cette idée du service public, que ce soit par des lois qui seront signées pour encourager et valoriser le service communautaire ou que ce soit par des rencontres entre les présidents vivants pour justement faire la promotion du bénévolat aux États-Unis. And by the way, you know, all the rhetoric you see here, the thousand points of light. What the hell was that, by the way? Thousand points of light. What did that mean? Does anyone know? Et maintenant, toute cette rhétorique qui parle de 1000 points de lumière. Qu'est-ce que c'était que ça au fait? 1000 points de lumière. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que quelqu'un sait? I know one thing. Make America great again, we understand. Putting America first, we understand. Je sais au moins une chose. Rendre sa grandeur à l'Amérique, ça, on le comprend. Prioriser l'Amérique, ça aussi, on le comprend. Mais 1000 points de lumière, ça, je ne l'ai jamais saisi. Quelqu'un a-t-il déjà compris ça? Et ça a été porté par un républicain, non? What the hell is that? Has anyone ever figured that one out? And it was put out by a Republican, wasn't it? Donald Trump, vous l'avez bien reconnu, le 5 juillet 2018, il est en pleine campagne de mi-mandat aux États-Unis et il se moque, vous venez de l'entendre, de cette expression des 1000 points de lumière qui est si étroitement associée à George Bush père. Ça nous permet, Karine Prémont, de conclure ce bloc en parlant de ce qui est devenu justement avec le temps cette expression-là, des 1000 points de lumière dans la culture politique américaine. Qu'est-ce qu'on en a retenu de cette expression-là au final? Bien, en fait, ce qu'on a retenu essentiellement, c'est, comme je l'ai dit depuis tantôt, l'idée du service public, la valorisation du service public. C'est étroitement associé à George Bush. Évidemment, on a vu que Trump essayait justement de se dissocier, ou en tout cas de dissocier le Parti républicain de ça. Mais son fils, George W. Bush, lors des funérailles de son père en décembre 2018, va rappeler à quel point ça définissait ce concept-là, la personnalité de son père, son travail, son professionnalisme, sa vision en fait de l'Amérique, c'est-à-dire un paquet de monde qui travaille ensemble pour améliorer le sort de chacun. Et c'est pour ça, au fond, peut-être que ça a été si étroitement, et ça continue d'être si étroitement associé à lui, c'est que c'est pas, encore une fois, un coup de marketing, c'est quelque chose qu'il habite profondément, ça fait partie de sa vision. Tout à fait. C'est une conviction profonde qu'il a, que chacun a un rôle à jouer, a un devoir envers les États-Unis et envers les citoyens de ce pays. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, grande amie de l'émission, j'ai déjà hâte à votre 59e participation. Merci beaucoup, Jean. Merci, Karine. Le Beatle John Lennon et sa femme, Yoko Ono, se sont couchés aujourd'hui dans un hôtel de Montréal. Et ils ne quitteront le lit que dans une semaine, et oui, car ils veulent ainsi protester à leur façon contre la violence qui existe partout dans le monde. All we are saying is give us a chance. On ne pouvait pas vous présenter cette émission spéciale d'Aujourd'hui l'Histoire sans faire un petit clin d'œil aux sorties qu'a fait l'équipe lors d'émissions enregistrées devant public avant cette fameuse pandémie qui nous a forcés à nous cloîtrer dans notre studio. On est allé à votre rencontre à Québec, à Gatineau, à Moncton, mais l'émission qu'on vous a présentée à l'occasion du 50e anniversaire du bed-in de John Lennon et Yoko Ono dans la célèbre suite 1742 de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, ça reste pour moi vraiment quelque chose d'assez unique, un souvenir inoubliable, et je me souviens très, très bien de me retrouver dans cette suite sur la table à préparer l'émission avant l'enregistrement et à ressentir une grande émotion, à réaliser que j'étais dans cette suite où avaient été Yoko Ono et John Lennon 50 ans plus tôt. L'autre particularité, c'est que cette émission-là était, oui, enregistrée devant public, mais devant un public confidentiel, 10 personnes qui avaient gagné leur place par un concours qui avait été organisé à l'époque. Donc vraiment, de toutes les sorties que j'ai faites dans ma carrière, celle-là, c'est la plus singulière, la plus particulière. Et parmi nos invités, Carl Bouchard. Et l'autre souvenir que je conserve de cette émission-là, c'est d'entendre Carl Bouchard à la guitare chanter Blackbird tout de suite après l'enregistrement de l'émission. Carl Bouchard, bonjour! Bonjour Jacques. C'est un beau souvenir. Puis c'est, on ça... s'est bien amusé quand même. Absolument. Puis au-delà de l'extrait qu'on vient d'entendre, au-delà de nous permettre de nous rappeler cette émission spéciale aux Reines Élisabeth, c'est un extrait idéal pour vous parce que depuis quelques années, vous nous parlez de paix à l'émission des grands mouvements de paix. Et puis vous avez accepté de vous prêter à ce petit jeu de variation sur le thème du chiffre 1000 pour notre 1000e émission en nous parlant, bien sûr, de paix, en nous parlant du mouvement des 1000 femmes pour la paix. De quoi parle-t-on exactement, Carl Bouchard? Oui, c'est un beau projet hein, qui a été initié par une politicienne socialiste suisse, Vermo Mangold, qui... cette très belle idée, c'est de faire reconnaître, par l'obtention du prix Nobel de la paix, le travail... non pas d'une femme en particulier, mais celui des femmes dans tout ce qu'il y a de plus global. Donc, d'où l'idée d'une liste de 1000 femmes qui viendraient de tous les coins de la planète pour symboliser l'action justement anonyme de celles qui travaillent pour la paix à diverses échelles, hein, que ce soit de la communauté, dans ce qui est le plus local, jusqu'aux enjeux internationaux. Et l'objectif, c'est de, par cette campagne, ben, d'obtenir le prix Nobel de la paix pour toutes ces femmes et pour l'ensemble des femmes qui travaillent pour la paix. Et du même coup, puis on va y revenir dans un instant, mais de marquer cette manière différente, fort probablement, qu'ont eu les femmes à travailler à la paix. La conception n'est peut-être pas tout à fait la même que celle que traditionnellement en avaient les hommes. Et pour justement nous ramener à ce contexte bien précis de 2003 où est lancé ce mouvement, on écoute l'extrait qui suit. Cette année-là, c'est une femme qui avait remporté le prix Nobel de la paix. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa renommée ne dépassait pas le cadre des frontières de son pays jusqu'à ce matin. Shirin Ebadi n'en revient pas elle-même. Plus d'un demi-siècle après sa création, le prix Nobel de la paix est attribué pour la première fois à une femme musulmane, une avocate qui a consacré sa vie à la défense des droits de l'homme en Iran. Une femme pionnière, la première à devenir juge dans son pays. Son combat se tourne vers les femmes et les enfants dans une société qui commence peu à peu à s'ouvrir. Une récompense saluée unanimement, ou presque. Agnès Varamian. Shirin Ebadi repartait en Iran ce matin quand elle a appris la nouvelle à l'aéroport. Demi-tour pour une conférence de presse improvisée. Cette récompense prend toute sa signification en matière de droits des femmes. Les femmes musulmanes peuvent croire en une vie meilleure dans le monde et particulièrement en Iran. Avocate, écrivain, professeur, cette femme de 56 ans est une militante des droits de l'homme. En Iran, elle a été la première magistrate du pays. Avant que les mollahs ne la congédient, les femmes, disait-il, sont trop émotives pour rendre la justice. Paradoxe de la révolution islamique, forcées de porter le voile, les femmes ont eu en même temps accès à l'éducation. Séparées des hommes, elles sont aujourd'hui plus nombreuses qu'eux à l'université. Ce n'est pas encore le changement, mais ça y ressemble. Et les conservateurs ne peuvent plus rien quand femmes et hommes s'affichent ensemble aux terrasses des cafés. C'est pour les droits de ces femmes, pour la liberté d'expression et contre la peine de mort que Shirin Ebadi élève la voix dans son propre pays. C'est donc en 2003, l'année où la magistrate iranienne Shirin Ebadi reçoit le prix Nobel de la paix, que naît cette fameuse idée de créer une association pour la reconnaissance de la contribution des femmes au mouvement pour la paix. Et Shirin Ebadi, Carl Bouchard, c'est un très bon exemple de cette manière féminine, plus féminine, de combattre pour la paix. Commençons par là, avant de revenir au mouvement des 1000 femmes pour la paix. Que dire, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, de cette participation des femmes à leur manière au mouvement de paix au 20e siècle? Oui, ben déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que la guerre, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes. Hein? Puis ça a l'air d'une évidence comme ça, mais pendant longtemps, on l'a limité à une affaire d'hommes. Mais si ce sont les hommes qui, traditionnellement, sont morts à la guerre, les femmes en ont subi hein, l'impact de façon vraiment majeure sur les familles, sur le deuil, sur la privation, sur la prise en charge hein, des blessés, des mutilés au retour. Et ça participe de leur intervention. Donc, il s'agit de les réintégrer dans ce grand mouvement hein, de la guerre et de la paix, et puis de voir comment aussi on peut travailler non pas sur ces grands enjeux qu'on appelle dans la théorie là, l'idée de la paix négative, donc l'absence de guerre, mais bien l'idée de la construction de la paix, de la paix positive. Et là, dans ce domaine-là, les femmes se sont beaucoup plus impliquées parce qu'elles ont été aux premières loges hein, de ces conséquences. Et puis surtout, ça contribue aussi à mettre de l'avant leur rôle plus domestique, hein, traditionnellement plus domestique. Ce sont elles qui ont à subir les conséquences de ces événements. Oui. Et ça va donner donc cette idée, on y revient, le 29 juin 2005, oui. On annonce cette liste des 1000 femmes dont la candidature sera soumise pour le prix Nobel de la paix cette année-là. Qui sont ces femmes-là, Carl Bouchard? Elles sont très diversifiées, c'est de tous les types. Il y en a des très connus, hein. Louise Arbour, par exemple, faisait partie de cette liste. C'est une juriste canadienne bien connue, hein, qui a travaillé contre les crimes de guerre, pour les droits de la personne. On va retrouver Anna Politkovskaya, la journaliste russe, militante des droits de la personne, qui a été assassinée, hein, en 2006. On se rappelle de cet événement d'ampleur mondiale. Il y aura des militantes pour l'amélioration des droits des femmes au niveau plus local, leur bien-être, leur engagement social. Alors, par exemple, la Pakistanaise Lawanjina Khan, qui travaille pour la santé des femmes, la formation des sages-femmes au Pakistan, une Éthiopienne, Netsanet Mejinsu, qui travaille sur les projets de microcrédit, hein, pour les femmes, les entreprises communautaires. Il y a toutes celles qui travaillent pour les populations indigènes aussi, hein, Eileen Kampakutabran en Australie, hein, une aînée aborigène qui travaille pour le respect des terres ancestrales contre les déchets nucléaires. Dewi Rama Amir, qui est une militante indonésienne pour les communautés territoriales, le droit des communautés à obtenir donc le respect de leur territoire. Alors c'est vraiment un peu dans tous les types, mais elles proviennent de tous les milieux, de tous les continents, ouais. Et puis ce sont des actions diversifiées. Donc c'est vraiment cette idée, hein, d'une paix à tous les niveaux et pas simplement dans du simple combat contre l'action militaire. Ouais. Et le 7 octobre 2005, le jour fatidique arrive, les 1000 femmes pour la paix ne reçoivent pas le prix Nobel de la paix. C'est pas pour autant un échec, on va terminer là-dessus, mais il y a un héritage à ce mouvement-là quand même. Oui, absolument. En fait, cette année-là, c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique et son directeur, donc Mohamed El-Barada, qui obtiennent le prix Nobel. Évidemment, ils sont déçus, mais le groupe choisit de continuer ses activités, donc en soutenant justement des projets globaux de construction de la paix dans la démarche de paix positive que j'ai évoquée tout à l'heure. Ça va des initiatives contre la violence domestique, à l'encontre des femmes et des filles, jusqu'à la question de l'environnement, le développement durable. En fait, pour ce groupe, hein, la promotion de la paix va de pair avec plein d'autres enjeux, la justice sociale, la fin de la discrimination, la réduction des inégalités, la question environnementale. Alors, on part du principe, qui est un peu évident, mais qui a souvent été laissé de côté, que les hommes et les femmes dont les besoins sont assurés, hein, les besoins minimaux sont assurés, qui ne vont pas subir l'arbitraire, l'injustice, qui vivent dans un environnement qui permet leur développement, eh bien, ont toutes les chances de favoriser la paix à la guerre. Et donc, il faut travailler à construire les conditions de la paix dans ce contexte-là. Et ça existe toujours, Carl, cette association? C'est une association qui existe toujours, qui continue donc à travailler. Le projet là, du prix Nobel s'est évanoui peu à peu, mais c'est l'idée, hein, de la construction, hein, locale. C'est ce qu'on appelle dans les mouvements pacifistes les grassroots movements, là, les mouvements de racines, hein, qui travaillent vraiment au niveau local et collectif. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Carl. Avec grand plaisir, Jacques. Bienvenue dans la boîte vocale d'Aujourd'hui l'Histoire et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Attention, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Philippe Morin, j'habite en Ontario, au nord de Toronto. Ben, moi, j'écoute Aujourd'hui l'Histoire régulièrement et je l'utilise dans ma carrière. Je suis enseignant et j'enseigne à des élèves qui sont anglophones et qui apprennent le français. Ce sont des élèves en immersion française et pour qui c'est très difficile de trouver des bons documents audio de qualité. Et avec Aujourd'hui l'Histoire, on est choyé. Alors, je veux dire un gros merci à toute l'équipe. Bon, parce qu'on vous utilise beaucoup, on vous utilise dans le cours d'histoire, on vous utilise dans nos cours de langue, on vous utilise dans nos cours de citoyenneté. Et vraiment, c'est tellement intéressant pour les élèves de voir, par exemple, l'histoire du Canada prendre vie dans un dialogue entre deux personnes. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant que de lire une feuille de travail ou un texte dans un manuel scolaire. Alors, je vais vous dire un gros merci, puis continuez votre bon travail. Merci, bye. L'une des très, très belles surprises qui est arrivée dans ces 6 ans ou à peu près d'existence d'Aujourd'hui l'Histoire, c'est de réaliser que l'émission avait trouvé sa place à l'école. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages de professeurs, d'enseignants, comme celui de M. Morin que vous venez d'entendre, qui nous disent écouter l'émission, qui nous disent se servir de l'émission en classe. Notre collaboratrice, Mylène Desautels, fait partie du lot de ces professeurs qui utilisent Aujourd'hui l'Histoire à l'école. Elle enseigne depuis à peu près 25 ans au cégep Lionel Groulx l'histoire. Mylène Desautels, bonjour. Allô, Jacques. Donc, Mylène, on trouvait ça intéressant que vous nous parliez, puisque vous êtes de ceux et celles qui utilisaient l'émission, que vous nous parliez dans un moment de l'usage que vous en faites. Mais d'abord, profitons-en pour voir un peu, ça fait quoi, à peu près 25 ans que vous enseignez, comment a évolué l'enseignement de l'histoire, comment a évolué l'intérêt des jeunes, de vos étudiants pour l'histoire. Est-ce qu'ils sont intéressés à l'histoire, Mylène Desautels? Ben oui, certainement. Beaucoup de jeunes sont très intéressés, surtout quand l'histoire les aide à comprendre ce qui les entoure. Et on pourrait dire qu'avec tous les événements très politiques, par exemple ce qui se passe aux États-Unis, l'histoire pour eux devient comme un outil pour mieux comprendre les grands bouleversements qui se passent autour d'eux. Et je pense qu'une des façons d'aller chercher leur intérêt, c'est d'en faire une histoire très concrète. Et c'est ce qui me ramène souvent à Aujourd'hui l'Histoire, parce que souvent dans les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, on part d'un événement ou d'un personnage. Et donc, pour les élèves, c'est comme faire la petite histoire d'un personnage pour mieux comprendre la grande histoire qui les entoure. Donc oui, effectivement, moi, je pense que les élèves, quand ils sentent que c'est un outil pour mieux les aider, moi, je dis tout le temps, c'est comme vous mettre des lunettes. On met des lunettes historiques et là, tout à coup, on comprend tellement mieux les choses qui nous entourent. Donc, certainement. Et c'est aussi de faire réaliser, en vous écoutant, j'imagine, à ces jeunes-là, que l'histoire devient un outil, là, un outil qui nous permet de mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit. Oui, puis juste comme exemple évident, là, c'est que les jeunes sont évidemment passionnés de tout le mouvement Black Lives Matter, à la fois celui au Canada puis aux États-Unis, et aussi la contrepartie, la montée des groupes suprémacistes blancs, qu'on a eu sous Trump. Et là, c'est sûr que dans les médias, on fait toujours référence à un passé américain qui expliquerait ça, mais on ne l'explique jamais réellement. Quand on prend le temps de bien l'expliquer, ça permet d'avoir toute une autre dimension, toute une autre perspective sur ces événements-là. Et par rapport à Aujourd'hui l'Histoire, mais il y a souvent des épisodes très, très précis qu'on peut aller écouter qui nous permettent de mettre ça en contexte. Là. Fait que ça donne vraiment un intérêt supplémentaire aux élèves d'avoir cet outil-là pour mieux comprendre la société. Donnez-nous un exemple ou deux. Vous pensez à quelle émission, par exemple? Bien, je pense à la session passée, j'ai utilisé un portrait qui avait été fait de la journaliste américaine Ida B. Wells, qui est une journaliste afro-américaine qui a beaucoup enquêté sur les lynchages aux États-Unis. Moi, j'étais en train de voir la période de la reconstruction post-guerre civile, la ségrégation qui se met en place. Alors là, on a une histoire qui est en fait très bouleversante de cette dame-là. Les élèves m'ont dit qu'ils étaient même perturbés par son histoire, par son écoute. Et donc, je leur fais écouter le podcast. En plus, j'avoue qu'en temps de pandémie, là, le format 23 minutes, niveau accessible. Je leur dis souvent, mettez-vous les écouteurs puis allez prendre une marche et lâchez l'écran. Donc ça, c'est le gain collatéral. Et d'avoir cette histoire de cette femme-là qu'on connaît bien sa vie, ça nous permet de comprendre tout le contexte de la ségrégation. Donc c'est un peu le phénomène entonnoir. Moi, les émissions, c'est comme le bout étroit de l'entonnoir parce qu'on est sur un récit très concret. Oui. Puis après ça, je peux élargir sur la grande histoire. Donc, des exemples comme ça, je peux en donner plein. Il y a celui sur les zoos humains, oui. Un phénomène pas très connu, mais qui nous permet complètement de comprendre qu'est-ce que c'est exactement le colonialisme puis tout le racisme qui a été forgé avec ce phénomène-là. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de concret. On parle de gens qui étaient enfermés dans des cages, dans des zoos. Alors, ça rend vraiment un phénomène qui pourrait être un peu théorique, disons, hein, le grand mouvement du colonialisme. Ça le rend très, très concret. Oui. Puis, aujourd'hui, l'histoire, mais il y a plein d'autres choses. Par rapport à il y a 25 ans, j'imagine que c'est Noël pour vous, là, parce qu'il y a beaucoup plus de ressources. L'enseignement est beaucoup plus vivant, je présume, qu'il l'était il y a 20 ou 25 ans. C'est sûr, on a le phénomène des podcasts, premièrement, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un outil formidable. Et même, j'en fais faire à mes élèves maintenant. C'est leur travail de session en cours. Ils doivent répliquer un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire. Je leur ai en effet écouté. Ils ont choisi des sujets super intéressants. Et c'est vraiment l'idée de... Apprendre l'histoire, c'est important, mais être capable de bien l'expliquer aussi, ça fait partie de l'exercice. Parce que quand on explique bien un phénomène, bien, on le comprend bien aussi. Alors oui, c'est vraiment... ça a changé énormément, effectivement. Alors, je veux que vous me fassiez la promesse, je veux écouter ça, de m'envoyer au moins un ou deux de ces épisodes-là. Mylène Desautels, c'était rapide, mais c'est un sympathique clin d'œil. On trouvait ça important de parler de la place que s'est faite aujourd'hui l'histoire à l'école et de parler avec vous de la façon dont se fait l'enseignement de l'histoire. Comment ça a évolué au fil du temps. Mylène Desautels, je le rappelle, est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, collaboratrice régulière d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Mylène. C'est un plaisir. La représentation qu'on se fait des Vikings, c'est celle de guerriers terrifiants. Au 8e siècle, certains prêtres incitaient leurs fidèles à réciter la prière suivante. « Ô Dieu Tout-Puissant, protégez-nous des peuples du Nord. » Mais ce qu'on oublie des Vikings, ce sont également des agriculteurs, mais aussi des commerçants. Et Éric le Rouge aurait été le premier à prendre la route en direction de l'Ouest vers 985, et il a découvert là, ce qui est maintenant connu du nom du Groenland. Et c'est son fils, Leif, qui est parti du Groenland en direction de l'Ouest à la recherche là, de nouveaux territoires. Donc, il a découvert ce qui nous est maintenant connu sous le nom là, de Terre de Baffin, ainsi que la côte du Labrador, et aussi là, l'île de Terre-Neuve, qu'il avait appelée Vinland. Et c'est le frère à Leif, Thorvald, qui va séjourner là, à Vinland, ou si vous préférez Terre-Neuve, vers l'an 1000, 1001, 1002. L'historien Marcel Martel à l'émission L'Histoire aujourd'hui en 1997. Les Vikings arrivent donc au Canada en l'an 1000, 1001, 1002. Ça nous mène pas mal tout droit dans notre petit jeu de variation autour du thème du 1000, du chiffre 1000 dans l'histoire. Et pour nous parler de la présence des Vikings à Terre-Neuve vers l'an 1000, justement, je reçois Xavier Gélinas, qui est conservateur au Musée canadien de l'histoire à Gatineau, où nous avions eu le bonheur d'enregistrer 4 émissions devant public à l'hiver 2020. Xavier Gélinas, bonjour. Bonjour à vous. Un mot d'abord, Xavier, pour situer un peu l'âge d'or des Vikings, je dirais, à quand ça remonte, cet âge d'or-là, et à quoi correspondent les frontières de ce monde viking? Chronologiquement, c'est une période qui va environ de 800 à 1200 environ, après Jésus-Christ. La frontière est assez vaste. Les Vikings sont des Scandinaves, et hier comme aujourd'hui, leur maison-mère, ce sont les pays scandinaves au sens propre, Suède, Norvège, Danemark. Ceux de l'Est, ceux venus de Suède, essaiment jusqu'à la Russie, jusqu'à l'Ukraine, jusqu'à la mer Noire, ce qui couvre un immense territoire, ouais. Et ceux de l'Ouest, venus de Norvège, s'étendent par bons successifs jusqu'aux côtes de l'Amérique du Nord, jusqu'à l'extrême est de l'Amérique du Nord, donc une très vaste aire géographique. Avec cette... au fond, ça se termine à peu près en 1300 parce qu'ils s'assimilent, tout simplement, c'est ça? Ils s'assimilent. Alors, les Vikings qui s'étaient promenés un peu partout, en Allemagne, en Russie, en Ukraine, s'assimilent aux populations. Ceux de Normandie, qui ont donné d'ailleurs le nom de cette région française, s'assimilent avec les populations locales. Et ceux de l'extrême ouest, Groenland, Islande et autres, deviennent un petit peu moins nombreux à la suite notamment d'un refroidissement climatique. Ouais. Donc c'est la fin de l'âge d'or viking. Ouais. Alors qui sont-ils, ces fameux Vikings? On entendait l'historien Marcel Martel l'évoquer dans un extrait sonore qu'on a entendu il y a un instant. Souvent, on les a présentés comme des guerriers terrifiants, sanguinaires, des hordes de barbares. C'est un peu ça l'image qui a percolé, qui a survécu au fil du temps. Qu'est-ce qui appartient au mythe dans cette image-là? Qu'est-ce qui appartient à la réalité? On en parle avec vous dans un instant, Xavier Gélinas. Mais d'abord, pour vous faire plaisir, entre autres, on écoute un extrait du dessin animé Astérix et les Vikings. Question de se rappeler d'où on part en matière de clichés quand on parle des Vikings. Chers amis, votre attention s'il vous plaît. Je propose un toast à l'homme, que dis-je, au héros qui a accompli sa mission en capturant le champion de la peur. J'ai nommé mon brillant fils Olaf. Ouais, l'ambiance. Vous n'oubliez pas votre promesse, chef. Je n'ai qu'une parole, Partor. Qu'est-ce qui fait plaisir à ce gaillard? Quoi? Mon fils Olaf a l'insigne honneur, chef, de solliciter la main de votre fille. Abba! La main de ma fille? La main de ma fille? Son crâne, je dirais pas non, mais sa main, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est quoi cette histoire de mariage? Ne me dis pas que tu as promis ma main à ce crétin! Ça ne te regarde pas, jeune fille! Je rêve ou quoi? Tu crois sérieusement que j'ai pas mon mot à dire dans le choix de mon futur mari? Tradition viking! Tu enlèves une fille en l'attrapant par la crinière pour l'emmener directement chez toi! C'est comme ça que j'ai fait avec ta mère. Et elle ne s'en est jamais plaint, hein, Vikir? Alors, c'est très, très gros, évidemment, ce qu'on vient d'entendre avec Xavier Gélinas. En même temps, ça correspond à une certaine image qu'on a longtemps entretenue des Vikings. Qui sont-ils en réalité, les Vikings? On aurait envie de continuer à vous écouter parce que, comme dans tous les mythes, même grossiers, même exagérés, il y a toujours une petite part de vrai. Hein? Ouais. La plupart des Vikings étaient en fait des braves fermiers, bien simples, pas du tout assoiffé de sang. D'ailleurs, aucun viking ne portait des cornes à son casque. Ça, c'est une imagination complètement débridée. Les vikings portaient en général des bonnets de cuir un peu renforcés de bandes métalliques, mais des cornes, ça n'existe pas. Ah bon? Et Olaf Grosbaf, à ma connaissance, n'est pas du tout un patronyme scandinave. Par contre, Olaf est un prénom très répandu, tout à fait véridique. Et comme dans tous les mythes un peu de vrai, certains vikings étaient certainement des pilleurs, des ravageurs, des destructeurs. La plupart étaient des commerçants qui ont fini par faire de l'import-export de manière tout à fait licite et honnête, en payant leurs dettes. Ouais. Revenons à leur présence chez nous, au Canada, à Terre-Neuve plus précisément. Dans quelles circonstances ils se retrouvent, les vikings, au Canada? Grâce à une espèce d'épopée assez incroyable, ils venaient pour la plupart des côtes de Norvège et du Danemark. Et puis là, en raison de divers facteurs pas très clairs, à compter des années environ 800, ils se déplacent par vagues successives vers l'ouest. Donc un groupe d'aventuriers, de navigateurs, de commerçants, on dirait aujourd'hui d'entrepreneurs, commence à se déplacer d'abord vers les côtes d'Écosse, les îles au nord de l'Écosse, les Féroé, l'Irlande, puis l'Islande, qu'ils découvrent et colonisent vers 850. Un siècle après, le Groenland, exploré et découvert par Éric le Rouge, qui a vraiment existé. Éric le Rouge, un repris de justice qui a été banni de Norvège, puis d'Islande, en raison de double meurtre. Et le voyage ultime, à partir du Groenland, vers l'an 1000 à un ou deux ans près, vers trois endroits spécifiques de l'Amérique du Nord. Helluland, la terre des roches plates, l'île de Baffin. Oui. Markland, terre des forêts, le Labrador. Et Vinland, la région du golfe Saint-Laurent, centrée sur Terre-Neuve, centrée sur le nord de Terre-Neuve. Oui. Et cette présence viking chez nous, c'est incroyable, mais ce n'est vraiment qu'au début des années 60 qu'on a pu avec certitude en établir la preuve de manière très, très tangible. Quand on découvre ce site formidable, le site archéologique de Lens-aux-Meadows, parlez-nous de ce site-là, Xavier Génina. Quelle importance il a eu, quelle importance a eu cette découverte-là et que nous révèle ce site de Lens-aux-Meadows sur la façon dont les vikings vivaient chez nous? C'est un moment absolument marquant dans l'histoire mondiale de l'archéologie. Découverte du site en 1960, exploration qui commence en 1961 par un couple d'archéologues scandinaves. On savait ou on pressentait ou on devinait depuis les sagas écrites par des Islandais dans les années 1200-1300, donc deux, trois siècles après les faits, que des Norvégiens étaient probablement allés sur les côtes nord-américaines, mais c'était embrouillé dans le mythe. Ouais. Alors, des archéologues amateurs ont cherché longtemps, sont tombés sur ce site-là, Lens-aux-Meadows, à l'extrême nord-ouest de Terre-Neuve, qui a été en fait le camp de base d'où ont rayonné les Vikings pendant une douzaine d'années, hein, pas très longtemps, à travers la région du golfe du Saint-Laurent. Et ils étaient là, un petit établissement, quelques habitations. Oui, environ 75 personnes, surtout des hommes, quelques femmes pour certaines tâches, mais ce n'était pas une entreprise de colonisation. Il n'y avait pas de vie familiale, il n'y avait pas de ferme non plus. Une espèce de comptoir. Un peu d'anime. Ouais. Oui, un comptoir, un camp de base, on l'appelait ça les huttes de Leif, ouais. Leif's Budir. Un petit mot en terminant, parce que ça fait partie de l'histoire des Vikings chez nous et c'est important. Ce sont ces Vikings qui arrivent au Canada, les premiers Européens qui vont entrer en contact avec les Autochtones. Comment ça va se passer? Mais quand on réalise ça, ça fait une perspective incroyable. C'est la première fois que les peuples venus d'Europe rencontrent des peuples nord-américains, eux-mêmes probablement venus de l'extrême est de l'Asie. Donc, ça complète la ceinture du monde. Dans l'établissement de Lens-aux-Meadows à Terre-Neuve, les Vikings n'ont jamais rencontré d'Autochtones. Par contre, dans leur pérégrination un peu partout, Labrador et endroits variés de l'Atlantique, ils en ont rencontré parfois. Ils les appelaient des Skrælings, ce qui n'est pas très flatteur. Petits hommes laids et desséchés. Ouais. Au début, avec les Skrælings, les Vikings faisaient du troc, du commerce. Ils étaient contents, recevaient de l'ivoire de morse et des peaux, des belles peaux, des belles fourrures, en échange de tout petits morceaux de textile coloré dont les peuples autochtones étaient friands. Mais parfois, ça s'est gâté. les échanges, au lieu d'être des occasions de troc et de négoce, ont été parfois violents. Oui. Et c'est ce qui explique qu'au bout d'une douzaine d'années, l'établissement permanent de Lance aux Meadows a été déserté. Les Vikings se sont dit dans les sagas, c'est un bel endroit, mais ce n'est pas hospitalier pour nous. Xavier Gélina, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette 1000e émission. Je rappelle que vous êtes conservateur au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Merci beaucoup, Xavier. Au plaisir, Jacques. Bienvenue dans la boîte vocale d'Aujourd'hui l'Histoire et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Attention, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Gabriel Bouchard, je suis prof de littérature dans un cégep à Québec et l'émission pour moi est curieusement associée à l'heure de la vaisselle, l'heure où on ramasse les restes du repas, etc., un petit balai dans la salle à manger et c'est maintenant un savoir homologué parce que j'écoute en balado l'émission. Toutes les grandes pages de l'histoire qui sont décrites par votre émission durent un temps parfait pour faire ces tâches ménagères-là, c'est curieux, il y a même des gens qui ont des théories du complot à ce sujet, notamment ma conjointe qui pense que je fais par exprès d'essayer certaines tâches pour que ça fonctionne comme ça. Continuez votre beau travail et puis je vais continuer le mien de mon côté, soit de ramasser la vaisselle, laver la vaisselle et tout. Bonjour, je m'appelle Mélanie Gauthier, je viens de Caledonia en Ontario. Particulièrement, j'ai beaucoup aimé la série sur les décennies en musique. C'était excellent et c'était merveilleux d'avoir des émissions d'une heure aussi. Marc Chenier, maintenant à Saint-Jérôme. J'écoute Aujourd'hui l'histoire à tout moment de la journée grâce à la mobilité et ces cellulaires-là, dans le fond. Mais particulièrement, j'apprécie beaucoup, ça arrive souvent, que je suis dans mon bain. Et puis en plus, cette année, ça va être une fête, moi aussi, parce que je vais devenir un vrai vieux là, qui le type, là, 65 ans, là, le 5 février, en même temps que vous autres. Bonjour, je m'appelle Denise, je demeure à Longueuil. Écoutez, votre émission, je la dévore à tous les jours en podcast. Je l'écoute dans toutes les conditions possibles. Et en tout cas, longue vie à l'émission. Et je vous remercie, M. Beauchamp, de nous apporter un souffle de connaissances quotidien. J'aimerais vous dire, en terminant, que ce fut un bonheur d'écouter toutes vos émissions. Je dis bien toutes. Et de me sentir intelligent via une émission intelligente. À la prochaine. Petite musique de fin. C'est déjà le moment de vous remercier, chers auditeurs, pour les nombreux commentaires que vous nous avez fait parvenir à l'occasion de notre 1000e émission. Et j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire, M. Chénier. Merci surtout de nous suivre aussi fidèlement en direct à Ici Première ou en balado-diffusion. Je salue d'ailleurs les très nombreux auditeurs qui nous écoutent depuis l'étranger. Et je pense entre autres à Sébastien Marty, qui nous a fait parvenir un message il y a quelques jours où il nous expliquait avoir découvert Aujourd'hui l'Histoire en s'entraînant pour le marathon de Toulouse en 2018. M. Marty précise que depuis, et je cite, « j'ai converti mon épouse à ma passion pour l'émission et aujourd'hui, Jacques Beauchamp, Carl Bouchard, Évelyne Ferron, Karine Prémont, et tous les autres font un peu partie de la famille. » Merci de votre commentaire, M. Marty. Et puisque vous évoquez la famille, laissez-moi justement terminer cette émission en remerciant la famille immédiate d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci à Mathieu Beauchamp et Caroline Morin, à la réalisation et à la recherche, qui sont là depuis les tout débuts de l'émission. Merci également à Mario Bolduc aux archives. Merci à Annie Richer, qui travaille en collaboration avec Mario Bolduc pour trouver ces petites perles d'extraits et d'archives qu'on vous présente. Salutations particulières à André Martineau, Ariane Cipriani et Éric Saint-Pierre, qui ont aussi tenu à un moment ou à un autre ce rôle crucial dans l'équipe. Merci à Pierre Lévesque, à la technique aujourd'hui. Merci à l'édit maître de l'émission, Olivier Lalande. Merci enfin à notre direction de permettre à l'Histoire d'avoir une place dans notre programmation. Merci à Sylvie Julien et Stéphanie Gendron en particulier de nous permettre de réaliser cette émission librement et sans trop de contraintes. Et encore une fois, merci à vous, surtout, qui nous écoutez. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.